qu'ils lancent leurs chimères, leurs hydres, leurs gorgones. À Polyphème, à leurs méduses qui pétrifient. Ils seront tous vaincus par ma foi en toi, en moi. Tangibles comme les arènes ou les racines du Chicamocha profond. Fermes comme la savane sereine au reflet de la lune au soleil blond. Ensemble et blond, sans retremblement, nous avons survécu. Aux querelles frivoles des vieux marchands, aux scribes pesants d'un air vain et qui en court. De mon amour ou de tes nobles sangs. La prière à l'histoire enfin donne la loi. Les baisers viennent au port, enfin ils sont. Et les quais de Montélia là-bas, ensemble unis nos palais fouleront. Cupidon brandit des armes invincibles. De ses feux il éteindra vos brasiers jaloux. Car maintes fois il dompta les foudres terribles, et du ciel même il traîna Jupiter pris sous. Cupidon brandit des armes invincibles. De ses feux il éteindra vos brasiers jaloux. Car maintes fois il dompta les foudres terribles, et du ciel même il traîna Jupiter pris sous. Les foudres terribles.